Ok. Monologue de Grenoble, aujourd'hui je passe des cassettes des années 90. Ici c'est Exploited. Beat the Bastards. Voilà. En fait, c'est le seul album de Exploited de The Exploited que je connaisse. Très très rapide et très violent. Vraiment très bon album, je le conseille. Hein. Avec notamment une reprise du thème du film de John Carpenter. Voilà, dont le nom m'échappe, bien sûr. On va écouter ensuite un classique du ska punk avec Rancid. Voilà. Back in the hole where the 7 ans. Voilà. Ouais, Against All Authority. J'essaie d'avoir des infos sur ce groupe là en ce moment, là présentement. C'est peut-être un peu plus tard que les années 90 en fait. Ouais, et puis surtout. Ah oui, si c'est bon. C'est les Américains, blablabla, blablabla. 92, 2007. 98, non, c'est bon. All Fall Down, apparemment leur best-seller. Ils ont fait de la musique jusqu'à 2006. Je n'ai pas bien sûr écouté par la suite ce qu'ils ont fait ni les albums des années 2000. On va écouter un titre de Rikers qui, si je ne m'abuse, était allemand, dont le nom vient de... Ouais, c'est ça, ouais, Castle, exactement. Dont le nom vient de Rikers Island, je suppose. Donc là, c'est... Qu'est-ce que c'est l'album, je m'en rappelle plus. En plus, il fait... La nuit est tombée sur Grenoble. C'est un des albums les mieux produits. Low Life. Ouais, ça doit être ça. C'est Low Life, ouais. Voilà. Allez, on écoute ça un petit peu. Comme c'est les cassettes, j'ai pas eu le temps de tout caler, etc. Machin. C'est bien calé. Un autre morceau, ouais, pour avoir une meilleure idée encore. We'll be right back. Rikers. L'album c'est en fait Brothers in Arms. Le label c'est Lost. Lost and Found Records. Records. En fait c'était un des groupes reconnaissables par son chanteur racisé. Et plus précisément noir. Et le morceau qu'on a écouté, donc il y a eu Below Zero et après ça Brothers in Arms. Voilà. On va changer, on va aller du côté de Brooklyn avec Biohazard. Ouais, c'est un live, je crois. Petit flatteur. Enregistré à Hambourg en fait. Voilà. Donc dans le morceau il dit que ce soit à Brooklyn ou à Hambourg. Voilà. Il y a un truc marrant ou pas, mais il y a un live de Sicko Fittol qui est crédité comme étant enregistré à Brooklyn et qui est aussi enregistré en Allemagne. Voilà. Voilà. Et à la fois le lieu de l'enregistrement et l'année fausse. Bref, ben c'est bien de d'avoir coupé à ce morceau. Ah oui. On va mettre un morceau de Refuse, donc des Européens, des Suédois même. Donc les Suédois, vous savez, à cette époque. Vous savez, les Suédois et l'Amérique. par le flotteur. Ouais, il y aurait des trucs à dire un peu sur les Suédois. Cette fascination pour les États-Unis. Et en fait, il y a un documentaire aussi à regarder sur la fin de Refuse. Alors, c'est marrant déjà parce qu'on les voit plus vieux. Et en fait, ils décrivent la façon dont ils ont arrêté le groupe. C'est en gros, ils étaient en tournée aux États-Unis, puis ils dégageaient toute cette. Ils faisaient donc des house shows comme ça se fait là. Et qui. Dans un circuit punk, on va dire, et en fait, ils supportaient plus le fait de dégager toute cette énergie, toute cette intensité qui était une des prérogatives du chanteur Dennis Nixon. Et en ayant aussi peu de réponses, je pense, les Américains, peut-être les connaissant pas ou les jugeant pas crédibles du fait qu'ils étaient suédois, européens. Voilà. Et il y a d'autres choses qui me font penser à ça, c'est bon, je me rappelle plus des sketchs. Enfin, il y a des sketchs des Américains. Bon, c'est trop imprécis pour être. Voilà, mais en tout cas, il y a quand même toute une flopée de groupes de cette époque qui mimiquaient, on va dire, imitaient une sorte d'idéal skate rock américain. Et Refused était un peu, je sais pas, peut-être au-dessus du lot par. Leur ambition musicale et par la suite politique, notamment avec le groupe, enfin du moins d'inclure de la politique dans la musique avec le groupe International Noise Conspiracy, voilà. Mais bon, bref, ils étaient très engagés et irréprochables, straight edge d'ailleurs. Voilà. On va continuer avec un groupe français de Montpellier qui s'appelle Drive Blind. Merci, c'est le monologue de Grenoble sur les années 90, en gros, le rock des années 90, plus ou moins. Merci. Ça tombe un peu au hasard aussi. Thank you. en fait, il y a un autre groupe qui s'appelle Drive Blind. Salut. Qui est anglais. Et écossais, en fait. Mais celui-là, il est montpelliérain. Et bon, les Français aussi ont lorgné de l'autre côté de pas de la Manche, mais de l'océan Atlantique. Et voilà, bon. Donc, ça va, Lily? Ouais. Tu veux dire quelque chose? Pourquoi t'as ton masque? Ah, d'accord. Très bien. On continue avec Cocorico, un autre groupe français de Rouen ou Poitiers ou Orléans, je crois. Burning Heads. Je vais vérifier ça. On écoute ça. Merci. Je vais le remettre au début. Voilà. C'est quand même un morceau assez important. De punk rock mélodique, c'est français. We'll be right back. Là, c'était Portobello Bones, un groupe de janvier, d'Angers. Ouais, donc on a quand même à l'ouest, quoi. C'était plutôt le rock à l'ouest. Enfin, en tout cas, les groupes que j'écoutais, Burning Gates Orléans, Portobello Bones, Angers. Il y avait d'autres groupes d'Angers. Très connu. Et pour compléter ce tableau français, un morceau de 7-8 sur l'album Homeground. Voilà. Un des meilleurs albums, hein, je crois. Hein. Moi, j'avais acheté celui d'avant à Montpellier, justement. C'était beaucoup plus brut, on va dire. Bon, c'est juste une question de studio, je crois. C'est la fin d'un morceau, mais c'est pas grave. Le batteur est aussi chanteur. C'est un des rares groupes dans ce cas-là. À cause de ZX. Gueule ouverte. C'est compliqué de savoir où mettre la batterie, quoi. Si le chanteur est batteur. Ouais, ben. Je voulais mettre Lofofara, histoire de mettre un truc insupportable, mais en fait, là, bon, bref, ça tombe sur NoFX. Très bon album de NoFX, le premier sur Epitaph, je crois, qui suit Maximum Rock'n'Roll. Un jeu de mots, enfin, pas un jeu de mots, une contrepétrie avec Liberal Animation. Voilà, je vous laisse deviner la contrepétrie. Et le morceau, c'est le morceau de départ, hein. Here Comes the Neighborhood. Donc on est tombé par hasard dessus. Incroyable. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça y est. Alors, un petit morceau pour continuer dans cette vague. Skate américain. Un morceau très facilement reconnaissable. Bad Religion, oula, Strangers and Fiction. Super morceau. Hein. Je laisse ce morceau. Allez, je vous laisse avec ça. À bientôt pour une émission. Bisous à tous. Bon courage. C'est pas trop facile le marrant en ce moment. Bon courage à tous. Bye.

things from rejecting. In the pain that makes the world go round so fast, you won't last in the past. So I leave it behind, ecological man-made crime. So I leave it behind to be miraculous, intelligent, incredible. Yes, no use for a name, c'était. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont fait une reprise de Bob Marley. Yeah, yeah, yeah. Oh, pirates, yes, they rob I. Sold out to merchant ships. Minutes after they took guy from the bottom left. We stand aside and look. Some say it's just a part of it. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Well, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Just as long as you stand, stand by me. When the sky that we look upon tumble and falls, and the mountains crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, won't you? Yes. Et ben donc ça continue jusqu'à 8h. Ouais, faut que j'aille lui dire. Et ouais, on voit que donc ça c'est l'album pré-Pennywise en fait. Hein. On se rend compte qu'il y a des influences plutôt de musique américaine racisée, n'est-ce pas, plus précisément noire, hein, avec le morceau avant Stand By Me qui était plutôt. Enfin non, pas vraiment. Enfin, il y avait un petit morceau funk, Stand By Me n'étant pas vraiment. Morceau racisé, bon, je n'ai rien dit, mais on voit une sorte de difformité, un style beaucoup plus imprécis qui se précise beaucoup dans l'album par la suite, où ça devient vraiment un groupe de skate punk à part entière avec un autre chanteur, hein, je pense. Voilà, bon, bah ça continue un peu, je vais essayer de pas trop dire de conneries gênantes. Et là on va mettre un morceau de Infectious Grooves. C'était le groupe de Mike Muir, une version funky, fusion funky de Suicidal Tendencies. Allez, c'est parti. Allez, ça slap pas mal. Hein. The death of God Antonio. va laisser le... le morceau d'après qui n'est pas un morceau, mais il y a une blague en fait avec un mec qui fait des interventions. On va écouter ça. Claude. Ah non, moi je me suis trompé. L'autre album. Yeah. Yes. Des paroles d'une grande, grande subtilité, une grande nuance dans les propos, des portraits vraiment très travaillés, un rapport à l'autre vraiment ambigu, compliqué à comprendre. Hein. Cause you ain't shit, cause you're a pussy, cause you're a bitch, do what I tell you. Bon. Pas facile. Donc Psycho Myco, Infectious Grooves. On va mettre un autre morceau de Psycho Myco, enfin Suicidal Tendencies. C'est l'album Suicidal for Life, où il arbore en plus de son très beau bandana, très large là, qui lui couvre tout le crâne. Il a aussi une barbe sur le cou. Voilà, une très belle barbe sur le cou, sur l'album. Voilà, donc je crois que c'est l'album qui est un peu contemporain de Infectious Grooves. Voilà, ça va s'entendre assez vite. This one, no. And I don't wanna feel this, no. Yes. Et juste pour rigoler un peu, l'album, donc je vous lis les titres des morceaux. Invocation, Don't Give a Fuck, No Fucking Problem, Suicide Motherfucker, Fucked Up Just Right. Voilà, bon après il n'y a plus fuck, mais bon, commencer avec 4 morceaux avec fuck. Bref, donc Guitar Hero hein, dans Suicide là, toujours c'est assez caractéristique quand même. Je ne sais pas le nom du guitariste. Alors on va continuer avec les gros bourrins, avec Propane. Propane, voilà, il y a Pro Choice et il y a Propane. Contents Under Pressure, le morceau, je sais pas trop ce que ça va être. Merci à tous. Écoutez. C'est comme du heavy metal, speed metal, groove metal, thrash metal, hardcore punk. Sachant que tous les groupes que je passe aujourd'hui, c'est quand même, je crois, les albums de leurs meilleures années. Hein. Faut pas oublier ça. Bon, je dis ça, mais je pense que voilà. Après, ils ont fait des albums jusqu'en 2015. Quoi. Ce serait assez curieux d'entendre ça. Je pensais que c'est des Allemands. Mais... Enfin, on voit l'idée. Je vais mettre d'autres, les Américains de Neglect, dans une vague un peu plus malsaine, un peu plus nihiliste. C'est New York aussi. LSS, fighting of the thoughts that was up in my mind. The painful thoughts of life that'll never be refined. Show me your way, away from pain. I'll show you that roadblock that sits in my brain. Twisted thoughts of hate, twisted thoughts of love. 6 feet of dirt is all that's above. You live your life with some kind of goal. You live your whole life down in this hole. Now you're 85, what are you living for? Respect of tradition, which you should have ignored. It's too late, you're in an old age trap. That's that urine collects in your lap. God's here with me, God's on my side. God's here with me, God's on my side. God's here with me, God's on my side. God's here with me, and God's on my side. God's here with me, God's on my side. God's here with me, God's on my side. God's here with me, God's on my side. God's here with me, and God's on my side. He left you on your own with your share of problems. He left you on your own with no way to solve them. He left you on your own with your share of problems. He left you on your own with no way to solve them. God's here with me, God's on my side. God's here with me, God's on my side. God's here with me, God's on my side. God's here with me, and God's on my side. God's here with me, God's on my side. God's here with me, God's on my side. God's here with me, God's on my side. God's here with me, and God's on my side. God is here, he's on my side. He taught me himself no free ride. He let me live on his miserable earth. He gave me nothing, so that's what I'm worth. In my old age, I'll turn and toss, offer it up to him on the cross. In the back of my mind, I'm thinking of myself. So when I die, I'll share his wealth. You live in constant pain. Every day you're on right. It will never go until philosophy spends in miracles veins. Bills must be fucked into your veins. Cancer ain't away you. There was nothing you could do. You're in trains on the LSS. Pull that plug in for the best, bitch. Grandma, grandma. Pull the plug, pull the plug. J'avais dit qu'on va écouter cet autre morceau. Après, je parlerai un peu. No Tomorrow. C'est un programme. Neglect. Ouais, le morceau d'avant est assez particulier, Life Support System LSS. Donc on dirait d'après les paroles que c'est plutôt quelqu'un qui est à la fin de sa vie, mais en même temps il dit Grandma pull the plug. Il y a un truc très nihiliste, en gros c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts dans sa vie, mais il se retrouve finalement comme ses parents qui ont vécu plus pauvre que lui. Voilà, bon, c'est sur un peu le... je sais pas... la faillite de tout quoi. Tout comme ça. Bref, Neglect, un groupe que j'apprécie beaucoup désormais. Je trouve que c'est vraiment un truc particulier. J'ai dit dans une autre émission que je pensais qu'ils étaient trumpistes. C'est possible, mais trumpiste donc plutôt athéiste. Alors je sais pas si c'est compatible. Voilà. On va passer vers des côtes plus ensoleillées, Sacramento avec Deftones. Alors j'espère avoir trouvé le bon morceau. Ouais. Je vais remettre un peu avant. Voilà, j'espère qu'il reste un quart d'heure. Je vais mettre un petit peu de Millet Colin après, pour finir. Ah, ça, on est bientôt là. Voilà, ça devrait aller. Ouais, c'est bon. Allez, merci, hein. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin du morceau. Et le début d'un autre. Celui-là que je voulais mettre, c'est celui d'après. Bon, celui-là est bien, mais c'est en fait je voulais mettre le ghost track. Tu vois. Et ouais, c'est les aléas du direct. Ben voilà, on y tombe dessus direct, tu vois. C'est ça la cassette. C'est le feeling. Allez, merci. We'll be right back. skin gets old, and so do your eyes. This is why I hate you. Tout à l'heure, mon. Yes. Ah oui. Oui. 19h52. Ça reprend au début, hein. C'est comme ça qu'on faisait. On mettait le morceau le plus loin. Celui du début de l'album. Deftones, hein. C'est quoi? Around the Fur, le Ghost Track. Le morceau caché, ça se pratiquait. Allez, 2 minutes, on va encore mettre quelques morceaux et puis ensuite j'irai dîner comme chacun de vous. Dites-moi ce que vous dînez et je vous dirai qui vous êtes. Mylène Colline, voilà, on va voir ce que ça donne. Comment ça? Ah bon, ben, je me suis trompé. Je me suis trompé de sens. C'est pas très grave. On va attendre un petit peu que ça se passe. Je vais remettre ce petit. Émo, hein, très émo. Et encore là, c'était le début. Les voix un petit peu, hein, ou pas. J'avais un prof de maths qui nous faisait une initiation à internet et le site sur lequel il était allé c'était le site de Flux Glacial. Rigolo. Lui-même c'était un personnage de film. Bon allez, j'ai assez reculé. On va mettre Mylène Colline. We'll be right back. Eh ben alors. Qu'est-ce qui se passe là? On dirait qu'il y a eu comme un petit blanc. Pourquoi? C'est bizarre. Ah ouais, c'est un peu en premier morceau. Allez les petits zozos, on va mettre un dernier morceau et puis on va se quitter. Merci à tout le monde, hein, c'était une super émission. J'espère avoir un invité à nouveau, hein, peut-être la semaine prochaine. C'est difficile d'avoir des invités maintenant. C'est difficile, les seuls invités seront des réinvités. Voilà, difficile, hein, les gens, c'est la reprise, les gens font des choses, les archives sont difficiles à écouter, etc. Petite plainte à Nico. Allez, merci et à très vite. Justement, un petit hommage à Nico avec Hubert Félix Stephen, je crois. J'ose espérer. À bientôt, bisous. Des miroirs où glissait ton corps, mais tout s'efface laissant la place à ce larcène qui te distord. Tu glisses ta garde perforée dans ce flipper où tu t'enfuis, et tu fais le semblant de rocker pour faire croire que tu es en vie. Et tu t'accroches au bout du fil qui te ramène à ton silence.